moitié vide. C'est la weed qui nous guide. Les yeux remplis de rides, son effet est rapide. Wicked, elle liquide les cellules grises. Donc de rester lucide quand le monde est en crise. Alors on se défonce pour oublier que ça va mal. Mais y'a toujours des ronces qui restent plantées dans le mental. Pas question qu'on renonce, faut garder le moral. Sont des onces, on dénonce ce qui n'est pas normal. Feuille de papier, feuille à rouler. Pas de ligne dans mon nez, j'ai des lignes sur cette page que j'ai pris en otage. Ma rage dans le collage, j'ai déjà fait le rodage. Paré pour le décollage, à fumer illégal. On m'a dit que c'était mal d'en fumer, mais le mal c'est que ça soit illégal. Alors que l'alcool te fait perdre les pédales. Le monde trouve ça normal au final, c'est légal. Lyricalement, je déchire comme un bon spiff, j'ai besoin de calmant. Je préfère cette matière nocive, active, je reste vif. Attentif au shérif, excessif, cherchant un motif pour me coffrer. Oui, je l'ai dit, mais les kistes ont pris des infos par une putain de balance. Ça me lance et je pense aux conséquences. Si je croise même sans musique, qu'il prendra une danse. Danse, mon j'y foncé, chaque seconde les condés font des rondes, font bader. Quand ils viennent te stopper pour une petite boulette, accompagnée d'un bête. S'ils veulent que j'arrête, ils peuvent se la mettre entre eux. La beuh, c'est mon évasion. Si j'en avais jamais eu, je serais sûrement en prison pour pétage de plomb. Envers les gros cons, j'aurais fait mon démon à coup de lance dans le poumon. En itéro, ah. Toi te kiff, la putain stiff, la CC dans ton pif. Encrassé, oh non, c'est un spliff de bonne sensei, l'objectif. Décompressé, oh toi tu kiffes toujours ta stiff, ta CC qui ne cesse de te casser. On fait tourner le spliff de tous côtés, tu connais l'objectif. De retourner, un petit zoom sensei pour assouvir les soucis. Voici la finalité d'un vice ficelé. Assis-toi. Toi, tu veux rentrer, tu veux voir ça, bienvenue gars. C'est NIT et Delita, j'ai pas l'esprit scientifique, juste esprit cannabique. Dans nos sticks, on met tout ce qui est symptomatique. Tout comme le HIP, le HMA chopé. Sans SHIT, on est plus agité. Viens dans mon univers, c'est tout brumé, sois pas vénère. Moi, c'est le brouillard que je préfère, pas les soirées en solitaire. J'ai pas fait de baptême de l'air, mais je fais que planer. Je taffe en hauteur, c'est vrai, mais je suis tout en perché. Ni champi, ni coque, ni médoc. Mais la vie est tellement bête, les petits commencent à l'école. J'écris mes textes sur des feuilles à rouler. Les deux indissociables sans ça, je pourrais pas respirer. La beuh, c'est ni mon ami ni mon ennemi. Non, juste la voisine palier que je croise le midi. Mais aussi le tama en reçoit et à minuit. En fait, elle et moi, c'est barré, c'est pour la vie. La widothérapie, pour oublier que tout part en vrille. Ça fait pousser au moins de mètres carrés disponibles. Ça investit, v'là les thunes, juste pour se faire plaisir. Un seul remède utile disponible pour rester lucide. Mais attention, les balances tournent. Des vautours automatiques comme les Schmitt, on les nique, c'est sans détour, non. Un carton de la taille d'un pot d'airain, je m'arrache le crâne pour oublier que je vais pas bien. Des boulettes bien trop grosses pour rentrer dans les chaussettes, des trous sur les baskets de la taille d'une comète. En fait, c'est à cause de vous si je fume, je fonce et je m'enfonce. C'est pourquoi je réclame ma légitime défonce. Délitance. Toi te kiff, la putain sniff, la CC dans ton pays. Encrassé, oh non, c'est un spliff de bonne sensei, l'objectif. Décompressé, oh toi tu kiffes toujours ta spliff, ta CC qui ne cesse de te casser. On fait tourner le spliff de tous côtés, tu connais l'objectif. De retourner. Thank you.